For how long have you been blind? Pour combien de temps tu étais aveugle? My precious daughter. Ma fille précieuse. For you, the Lord spoke so much. À toi, le Seigneur m'a parlé beaucoup. Je suis très chanceux d'être là aujourd'hui. J'habite en France, à Nice, et j'ai de la chance d'être là ce soir. So you are saying, alors tu disais, I'm lucky to be. Yeah, that is powerful. J'ai de la chance d'être là, c'est puissant. I would have been there looking at the fireworks. Oh. Been one who was killed. And yet the Lord brings you here to open your eyes. Et là le Seigneur t'a amené ici, t'a ouvert les yeux. But my eyes was not completely blind. No. Not at all completely blind. Pas du tout complètement. I couldn't see very far. Je pouvais pas voir de très loin. Couldn't see what? Faces. You couldn't see faces. Je pouvais pas bien voir le Are visage. You able to see my face? Est-ce que tu es capable de voir mon visage? Now I can see your face. Maintenant je peux voir ton visage. What color am I? Je suis de quelle couleur? Am I a white man or a black man? Est-ce que je suis un homme you blanc ou un homme noir? Of course a white man. Hallelujah. She's saying what? Qu'est-ce qu'elle a dit? I was joking. Je faisais une blague. You can see the faces now. Alors tu peux voir le visage maintenant. What's your name, my daughter? Quel est ton nom, ma fille? My name is Desu. Mon nom est Desu. Desu. For how many years this problem? Pour combien d'années ce problème? Actually, I've grown up with one eye. Oh, so you grew up with one eye. J'ai grandi avec un œil. The same eye I'm seeing with it, but both eyes supposed to have a cataract. And I haven't been seen for about 4 years. Okay, so now the one that was not seeing is which one? This one? Is this one? Is the one that and is the one that opened today? Yeah. Alors, celui qui est ouvert aujourd'hui. Blind eyes have opened here. Dieu aveugle a été ouvert ici. I have a special announcement. J'ai un annonce spéciale. A blind eye. Un œil aveugle. Total blind. Totalement aveugle. That eye has opened here today. L'œil a été ouvert là aujourd'hui. So when you go back home, alors quand tu retournes à la maison, tell the people at home, dis les gens à la maison, that the miracles of the Bible, que les miracles de la Bible, which are free of charge, qui est gratuit, no payment, pas de paiement, they have finally come to Cayenne. Ils sont finalement arrivés à Cayenne. The miracles of the Bible are happening here. Les miracles de la Bible se sont passés là aujourd'hui ici. God is walking here today. Dieu travaille ici aujourd'hui, il marche. Repeat your name so they document. Répète ton nom pour My name is Delsu. Delsu. And I actually live in France, but I'm You here. Live in France? Yes, and I'm here. Et je suis ici. In Cayenne. À Cayenne. I've been living here 40 years ago. So that's powerful. So the Lord has just healed her. Le Seigneur l'a seulement guérie. She lives in Venice. Elle habite à Nice. In France. En France. But she came here. Mais elle est venue ici. And the eye opened. Et l'œil est ouvert. For her alone. Pour elle seulement. For her. Pour seulement elle. Alone. Seulement. Is enough reason. C'est assez de raison. For me to come all the way from the village hearts of Africa, village hearts. De moi de venir de villages d'Afrique si loin. Poverty. La pauvreté. With grass, we put the grass on the roof. Alors on met de l'herbe sur le toit. Grass on the roof. Les herbes sur le toit. The grass on the roof. Les herbes sur le toit. And we use mud, soil. On utilise la boue pour les murs. For the walls. Pour les murs. Because of her alone, à cause de elle seulement, is enough reason, assez de raison, for me to come all the way from Africa, de moi de tout ce chemin-là d'Afrique pour venir, to meet my daughter from France, pour rencontrer ma fille de la France, and to see my God, et de voir mon Dieu, open her blind eye, ouvrir son œil qui était aveugle. Books will be written, des livres vont être écrits. Magazines will be written. Il y a des magazines qui vont être écrits. TV documentaries will be aired. Le document à la télé, ils seront en air. And movies will be acted. Et aussi des vidéos qui vont être créées. On this miracle. Pour ce miracle. That is enough for me. Il y a assez de raisons pour moi. To serve Jesus. De servir Jésus. All the days of my life. Tous les jours de ma vie. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. The Lord bless you. Beaucoup, le Seigneur te Thank bénit. You so much. Come, my daughter.